On peut plus être tranquille. Hier, j'étais peinard chez moi, en train de débourrer une pouliche polonaise. Eva. Non, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné l'expression débourrer. Didier m'a inspiré l'expression débourrer la pouliche. Enfin bref, Eva, étudiante en sociologie, une grande saucisse de 18 ans, très bien. Quand d'un seul coup, oh, je suis interrompu dans ma séance de dressage par un coup de fil. C'était le ministre de la Santé, Jean-François Mattei. Allô, Helmut? Oui, Jeff. Qu'est-ce que tu veux encore, vieux crotal? Voilà, j'ai un souci. J'arrive pas avec la légionellose. Ils tombent comme des mouches, les vieux mineurs du Pas-de-Calais. Oh, mais derrière-toi un peu tout seul, hein. Cet été, j'étais déjà sorti de la mouise avec la canicule. Alors, s'il te plaît, Jeff, n'abuse pas. Oui, je sais que tu m'as aidé en cachant des vieux dans ton frigidaire pour faire tomber les chiffres, mais je te le demande pour la dernière fois. Aide-moi. Si ça continue, je vais me faire virer, moi. Oh, bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. Tu vas là-bas, tu stoppes l'épidémie. Ouais, ça ressemble à une petite mission pour Helmut, hein. Bon, en échange, Jeff, je te demanderai, au cas où ça tournerait mal, de me couvrir pour mon affaire où 13 femmes sont dans le coma depuis 12 ans suite à une expérience de croisement avec des loutres. Pas de problème. Mais attention, méfie-toi, dans la région du Nord, ils ont un accent qui peut rendre fou. Saoul, je ferai gaffe. Oh, je me suis donc rendu chez les Pecnos du Nord et leur accent de la mort. Bon, je vais me trouver quelqu'un pour me renseigner dans cet hôpital. Ah, parfait, un homme laid en blouse blanche, il doit être du coin. Oh! Oh, paysan! Ouais, viens voir par ici! C'est où la salle des Maccabées? Bah, t'es vous parler à ma l'air chaud, puis tu prends dans le fond des chouloirs, tu prends sur tu gauche, puis tu t'arrêtes, tu sais que tu as pu. C'est vrai. Cet accent commence à me rendre fou, Didier. En plus, je comprends rien. Je lui parie tranquille. Toi, m'expliquer encore plus clair, Quasimodo, sinon je te déroule! C'est bon, vous énervez pas, les morts, c'est au fond du couloir à gauche, et vous arrêtez quand ça pue. Bah, et ton accent? Je recommence. Bah, ton accent! Oh, mais ça, c'est pour les touristes. Ils nous emmerdent, ceux-là. Alors, bon, maintenant, on prend l'accent. Ah, d'accord, pas con. Merci bien. Ah, ça doit être là, ça schlingue la mort. Oh, oui, c'est bien là, la vache. Ouh, tous ces Maccabées, ça craint. Quoi que tu fais encore, l'outil, ma garçon? D'où Jésus, un deuxième homme laid en blouse blanche? Moi, venir voir les malades et les morts. Merde, à foutre, bitard, d'être mis au plus vite que chaud. Là là, il va se calmer l'autochtone. C'est à ce que je vois m'appelle Paulie Schmitt, il me fout le code, il doit racheter ce biote. Arrête de me parler comme ça, putain. Oh, finalement, comme il devenait trop énervant, le brancardier, je vais couper la langue. Après, je l'ai enfermé dans un des tiroirs de la morgue. Bon, vous me connaissez, j'aime bien le travail bien fait. Alors, j'ai réuni tous les cadavres, j'ai vidé l'hôpital, j'ai tout arrosé de schnapps et j'ai mis le feu. Normalement, il n'y a plus de danger de contamination, pardon. Encore une mission menée avec succès. Je vous laisse, je vais retrouver ma pouliche polonaise, moi. Allez, au Wiener Zen, faut que je me dépêche. En plus, ce soir, je vais au spectacle. Tu sais ce que je vais voir? Didier Porte? À la main d'or!